t'accroches comme un cis gros. J'ai de la blanche dans le vaisseau, elle vient de Colombie, tu la tapes comme un toco. C'est la guerre comme un Rio, mon équipe a le tuyau. Si tu payes pas tes dettes, tu finis carbo dans le coffre de ton merco. Ici c'est Marseille, on roule en gamme, on a la gâchette facile. GP800, arme de guerre, y'a que ça qui nous fascine. Y'a des morts dans ma zone, personne n'est choqué, tout est devenu banal. Bill Capone, déterminé, on vient marquer les annales. On vient marquer les annales. Le rap game c'est la merde, ils mettent des bâtons dans les roues, mais je me dois t'avancer. Les rappeurs font les fous, se cassent pas la tête, ils vont finir en HP. Ceci n'est pas un freestyle, B.I.G. c'est juste un avant-goût. Je vais baiser le rap game, si t'es mon concurrent, mets-toi la corde au cou. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. Mes amis m'ont trahi, mes ennemis veulent m'appuyer sur ma mère, c'est le démon. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. Mes amis m'ont trahi, mes ennemis veulent m'appuyer sur ma mère, c'est le démon. C'est des salopes, ils leur poussent un vagin. Je m'en suis rendu compte quand je leur ai sorti le machin. Ils ont la tête dans le cul, les mains dans la merde et le nez dans la machin. Ils font la hesse quand ça brasse, ils aimeraient bien prendre la place. J'ai niqué ton assos, en petit trou du cul, regarde-toi dans la glace. On est la rue en personne, c'est des contrefaçons, on va les laisser derrière. Ah oui, nouvelle génération, déterminée, on va niquer des carrières. Ah oui, je leur ai tout donné, je leur ai tout donné. Ils m'ont tous trahi, ils m'ont tous trahi. J'ai plus confiance en personne, car tes meilleurs amis deviennent tes pires ennemis. Pires ennemis. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. Mes amis m'ont trahi, mes ennemis veulent m'appuyer sur ma mère, c'est le démon. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. À part la mama, dis-moi qui est vrai dans ce bas monde. Mes amis m'ont trahi, mes ennemis veulent m'appuyer sur ma mère, c'est le démon.